J'attends le bus depuis 45 minutes. Moi, ça fait une heure que j'attends. Je cherche un appartement depuis un an. Moi, ça fait deux ans que je cherche. J'ai mal à la gorge depuis une semaine. Moi, ça fait un mois que j'ai mal à la gorge. J'étudie le français depuis six mois. Moi, ça fait deux ans que j'étudie le français. Je suis marié depuis deux ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis marié.